La définition du jour, Antoine, qu'allons-nous apprendre encore de palpitant, s'il te plaît? Alors, la définition du jour, elle traite toujours aux questions du son, du langage. Et aujourd'hui, cette définition du jour nous vient d'un mot anglais, le mot « mondegreen ». Mais qu'est-ce que le mondegreen ? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Enfin, pourquoi est-ce que je dis vous, on se tutoie, non ? Enfin, ouais. Non, mais ça dépend des jours. Des fois, je suis plusieurs. Alors, le mondegreen fait partie de ces erreurs de langage courantes. Et puis, le mondegreen se traduit en français généralement par hallucinations auditives. Alors, les hallucinations auditives, elles peuvent être de plusieurs types. Il ne faut pas confondre celle dont je vais parler avec l'hallucination auditive un petit peu plus invalidante, qui consiste à entendre des voix ou des chansons. Là, en fait, il s'agit d'une hallucination auditive qui consiste à comprendre quelque chose dans le texte d'une chanson qui ne s'y trouvait pas. Voilà. Donc tout le monde fait des erreurs occasionnelles en parlant, voilà, et puis, mais tout le monde fait aussi des erreurs en écoutant. Alors ce mondegreen fait partie d'une famille où on trouve notamment les spoonerismes ou les contrepétries, mais on va bien se passer de faire des contrepétries ce matin à l'antenne. Merci. C'est déjà assez scabreux comme ça. Oui. La définition du mondegreen, c'est lorsque vous entendez quelque chose qui est incorrect, mais cela finit quand même par avoir un sens pour vous. Souvent, ils se produisent avec de la musique ou de la poésie. Voilà, un exemple célèbre, c'est dans la chanson de Jimi Hendrix, où la phrase « Excuse me while I kiss the sky » a souvent été interprétée par « Excuse me while I kiss this guy ». Ah. Voilà. Je ne savais pas du tout. Je pense que je ne comprenais ni l'un ni l'autre. Alors, pourquoi parler de mondegreen ici, à la radio ? Bon, on est dans le monde du sonore, mais aussi parce que, d'un point de vue, pour une raison un peu accidentelle, quelqu'un de très proche de moi m'a confié, il y a 2 jours, avoir compris, enfin, le refrain de la chanson « Englishman in New York » de Sting, où Sting chante « I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York ». Et cette personne comprenait « I'm an animal, I'm a little animal, I'm an Englishman in New York ». Ce qui, quelque part, fait du sens. Mmh. Et en discutant, Emma, tu m'avais aussi confié avoir eu ton propre mondegreen avec cette chanson. Oui, moi je pensais qu'il disait « I'm an idiot, I'm a little idiot ». Ce qui marche aussi, voilà. En fait. Et dans mon cas, je me souviens plutôt avoir compris « I'm an animal, nanamanamanamanam ». Voilà, parce que je ne faisais pas trop attention aux paroles sacré à l'époque. Sacré mondegreen. Sacré mondegreen, voilà. Peut-être « I'm an M&M ». C'est bizarre, toutes les chansons en anglais, disent tous « M&M ». Bon, il y a un exemple très célèbre aussi, Antoine. Est-ce que ça serait le moment que je passe cet exemple très célèbre Alors, pour les francophones ? Alors, très volontiers, parce que voilà, la source est en train de se tarir. Donc, voilà, il est temps de la réalimenter. Mais oui, parce que pour toutes les personnes issues du monde francophone, il y a un mondegreen très célèbre à base de ça. That's the sound of the police. Voilà, donc c'est pas Assassin de la police, hein, si jamais, c'est That's the sound of the police. Et qui est l'auteur de cette chanson ? KRS-One, puis en fait on l'a, nous, du monde francophone, plutôt entendu dans le sample qui en a été fait par NTM. C'est ça quoi, hein ? Oui, c'est ça. Voilà. Je le remets au cas où vous n'aurez pas bien compris. Ou on peut le passer un petit peu. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Ça balance, allez. Bébé. Franchement. That's the sound of the police. Allez, fade out. On va pas mettre trop parce qu'avant, oui, on va se lancer dans un DJ set qui n'était pas celui prévu à la base. Dérapage incontrôlable. Mais ça va assez bien avec les répétitions derrière. Bon. Et alors, voyons. De quoi est-il temps ? De quoi est-il temps ? Ben, il est tout à fait temps de,